Non, lui dis-je, je hais Garcia, mais c'est mon camarade. Un jour peut-être je t'en débarrasserai, mais nous réglerons nos comptes à la façon de mon pays. Je ne suis égyptien que par hasard, et pour certaines choses, je serai toujours franc navarrais, comme dit le proverbe. Elle reprit, tu es une bête, un niais, un vrai paillot. Tu es comme le nain qui se croit grand quand il a pu cracher loin. Tu ne m'aimes pas, va-t'en. Quand elle me disait, va-t'en, je ne pouvais m'en aller. Je promis de partir, de retourner auprès de mes camarades et d'attendre l'anglais. De son côté, elle me promit d'être malade jusqu'au moment de quitter Gibraltar pour Ronda. Je demeurai encore 2 jours à Gibraltar. Elle l'audace de me venir voir, déguisé, dans une auberge. Je partis. Moi aussi, j'avais mon projet. Je retournai à notre rendez-vous, sachant le lieu et l'heure où l'anglais et Carmen devaient passer. Je trouvai le Dankai et Garcia qui m'attendaient. Nous passâmes la nuit dans un bois, auprès d'un feu de pommes de pin qui flambait à merveille. Je proposai à Garcia de jouer aux cartes. Il accepta. À la seconde partie, je lui dis qu'il trichait. Il se mit à rire. Je lui jetai les cartes à la figure. Il voulut prendre son espingole. Je mis le pied dessus et je lui dis « On dit que tu sais jouer du couteau, comme les meilleurs Jacques de Malaga. Veux-tu t'essayer avec moi ?» Le Dankaire voulut nous séparer. J'avais donné 2 ou 3 coups de poing à Garcia. La colère l'avait rendu brave. Il avait tiré son couteau. Moi, le mien. Nous dîmes tous deux au Dankaire de nous laisser place libre et franc jeu. Il vit qu'il n'y avait pas moyen de nous arrêter et il s'écarta. Garcia était déjà ployé en deux comme un chat, prêt à s'élancer comme contre une souris. Il tenait son chapeau de la main gauche pour parer, son couteau en avant. C'est la garde andalouse. Moi, je me mis à la navarraise, droit en face de lui, le bras gauche levé, la jambe gauche en avant, le couteau le long de la cuisse droite. Je me sentais plus fort qu'un géant. Il se lança sur moi comme un trait. Je tournai sur le pied gauche et ne trouva plus rien devant lui. Mais je l'atteignis à la gorge et le couteau entra si avant que ma main était sous son menton. Je retournai la lame si fort qu'elle se cassa. C'était fini. La lame sortit de la plaie, lancée par un bouillon de sang, gros comme le bras. Il tomba sur le nez, roide comme un pieu. « Qu'as-tu fait ?» me dit le Dankaire. « Écoute, lui dis-je. Nous ne pouvons vivre ensemble. J'aime Carmen et je veux être seul. D'ailleurs, Garcia était un coquin. Je me rappelle ce qu'il a fait au pauvre Remendado. Nous ne sommes plus que deux, mais nous sommes de bons garçons. Voyons, veux-tu de moi pour ami, à la vie, à la mort ?» Le Dankaire me tendit la main. C'était un homme de 50 ans. « Au diable les amourettes !» s'écria-t-il. « Si tu lui avais demandé Carmen, il te l'aurait vendu pour une piastre. Nous ne sommes plus que deux. Comment ferons-nous demain ? Laisse-moi faire tout seul, lui répondis-je. Maintenant, je me moque du monde entier. »